Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Belleville, Paris, au sein d'un quartier HLM, dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, Kobili Traoré, un franco-malien de 27 ans, pénètre par effraction dans le domicile de Sarah Halimi, une retraitée de confession juive. La notion est importante. Il la roue de coups au cri d'Allah Akbar avant de jeter son corps par la fenêtre. Finalement interpellé par la police, l'homme est interné dans un service de psychiatrie et alors une polémique va naître. S'agit-il ou non d'un crime antisémite ? Difficile de revenir devant cet immeuble depuis que sa sœur y a été tuée. Sarah Halimi, 65 ans, dormait cette nuit du 4 avril dernier lorsque son voisin du dessous qu'elle connaissait réussit à s'introduire chez elle en passant par le balcon mitoyen. Il la frappe pendant plusieurs minutes en criant à la Ouagbar. Il a été d'une violence, mais vous savez, rouer de coups est un mot extrêmement faible pour parler de ce qui s'est passé. Il l'a massacré à main nue. Il l'a massacré. 30 fractures. Le suspect finira par défenestrer Sarah Halimi, inconsciente, mais encore en vie, du troisième étage. Très vite, la communauté juive se mobilise pour dénoncer le caractère antisémite de ce meurtre. Il a rythmé son assassinat et ses actes de torture de prières et de références à l'islam. En disant que Dieu m'en est témoin quand il a massacré. Noémie Alioua, vous êtes journaliste et vous venez de publier un livre sur l'affaire Sarah Halimi. C'est d'ailleurs le titre de votre livre aux éditions du Cerf. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à cette histoire ? Tout est parti du coup de téléphone de William Attal, qui est le frère de Sarah Halimi, qui m'a contacté 2 mois après les faits. Donc moi, j'avais déjà commencé à suivre l'affaire pour le journal pour lequel je travaille. Mais quand William Attal m'a contacté, il m'a expliqué que 2 mois s'étaient écoulés sans que rien n'avance dans cette affaire, sans que les médias ne s'y intéressent et n'enquêtent, et sans que la justice n'ait donné de nouveaux éléments. Donc il se disait qu'il était face à un mur, qu'il ne savait pas quoi faire. Il m'a contacté. On se connaissait pas, mais j'ai été émue par ces mots. Je voyais de la sincérité. Je me suis aussi dit que tout n'était peut-être pas vrai dans ce qu'il me racontait, mais je me suis dit que ça valait le coup quand même d'aller creuser un petit peu toute cette histoire. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai décidé de vous inviter, parce que moi aussi, je me souviens de ces faits qui ont été donc commis il y a pratiquement un an. Je me souviens donc du silence des médias sur ce thème et surtout du fait qu'au début, ce crime n'a pas été qualifié d'antisémite, alors qu'aujourd'hui, il l'est. Et c'est ça, en fait, pour moi, le super fait, l'erreur qui a été commise. C'est-à-dire, on peut évidemment pas se mettre à la place des juges, mais en tout cas, on peut se dire que à minima, la question mérite d'être posée. Et donc, il va falloir que vous nous expliquiez, Noémie Alioua, pourquoi la question n'a pas été posée d'emblée. Alors, je vais rappeler les faits, comme vous l'avez dit et comme ça a été dit en présentation de l'émission. Sarah Halimi était une juive, mais surtout orthodoxe, c'est-à-dire que son judaïsme était visible. Elle portait une perruque, elle portait des jupes longues, donc elle était reconnaissable en tant que juive. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, comme vous l'avez dit, elle a été assassinée au cri d'Allah Akbar. Kobili Traoré, son assassin, a récité des sourates du Coran. Et lorsqu'il a jeté son corps par la fenêtre, il a crié « J'ai tué la chétane du quartier ». Donc tous ces éléments figurent dans les procès-verbaux, les témoins l'ont entendu, différents témoins dans l'immeuble. Il raconte tous ces éléments. Donc, si vous voulez, effectivement, quand on regarde ces faits, on se dit mais comment est-ce qu'on peut passer à côté de la dimension antisémite du crime ? C'est une évidence. Et pourtant, comme vous le rappelez, il a fallu 11 mois. 11 mois pour que la justice reconnaisse cette évidence. Donc, bien sûr, il y a des questions à se poser. Concernant, c'est une sorte de déni, c'est-à-dire que il y a une résistance qui empêche de regarder les choses en face. Alors moi, quand je me suis intéressé à cette histoire, il y a à peu près un an, on m'a dit, mais alors en fait, ce type est fou. Et par ailleurs, lorsqu'il a commis ses faits, il avait fumé énormément de pétards et donc il n'était pas du tout dans son état normal. Alors il y a une complexité dans l'affaire Sarah Halimi en tant que telle, et pour être tout à fait honnête, il faut le dire, il y a une expertise psychiatrique qui a été faite de Kobili Traoré, donc le tueur de Sarah Halimi, et cette expertise dit que lors de la nuit du crime, il a été atteint d'une bouffée délirante aiguë, donc il a des troubles mentaux. C'est une chose. Est-ce que le fait de souffrir de troubles mentaux empêche d'être antisémite? Je ne crois pas. Ça, c'est une chose. Et je pense, au contraire, qu'on peut être tout à fait déséquilibré et antisémite. Là-dessus, effectivement, on peut facilement vous suivre. Par contre, on peut se dire que cet homme n'est pas responsable des faits qu'il a commis. Alors, c'est là qu'interviennent les conclusions de l'expertise psychiatrique qui explique qu'il est pénalement responsable. C'est-à-dire qu'il y aura un procès. Il aurait pu ne pas avoir de procès. Je rappelle qu'il y a eu le DJ Lamsey, Sébastien Selam, une affaire en 2003 d'un jeune juif qui a été assassiné par son voisin, il lui a enfoncé une fourchette dans la gorge. Et ensuite, il a dit « j'ai tué le juif ». Et il s'en est réjoui. Et figurez-vous que le tueur n'a jamais fait de prison parce qu'il a été jugé pénalement irresponsable. D'ailleurs, la famille a croisé ensuite dans le quartier l'assassin. Je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas forcément très heureux de le croiser en liberté. Mais quoi qu'il en soit, il aurait pu être jugé pénalement irresponsable. Il se trouve que le docteur Zaghouri, qui l'a expertisé, qui est expert psychiatre auprès de la Cour d'appel de Paris, a jugé qu'il était partiellement responsable et pénalement responsable. C'est-à-dire qu'il y aura un procès et qu'il devra répondre de ses actes. Je précise quand même... Le profil de Kobili Traoré, il a été incarcéré 4 fois. C'est un délinquant. Il a une trentaine de pages de main courante dans son dossier de police. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a été régulièrement en contact avec la police et que jamais dans son dossier, il n'a été noté qu'il y avait des problèmes mentaux. C'est-à-dire que pile ce soir-là, avec Sarah Halimi, alors qu'il assassine quelqu'un, tout d'un coup... alors que ça n'avait jamais été évoqué auparavant, on découvre une maladie mentale. C'est quand même très étonnant. Et alors, un autre argument qui a souvent été invoqué pour qualifier ce crime de crime possiblement antisémite, je dis possiblement parce qu'aujourd'hui cet homme est présumé innocent quoi qu'il en soit, l'un des faits, Noémie Alioua, qui est souvent invoqué, c'est le fait qu'il a croisé lors de cette bouffée délirante beaucoup de personnes et que c'est uniquement sur cette femme, sur Sarah Halimi, qu'il a décidé donc d'avoir des gestes extrêmement violents. Oui, en fait, il faut aussi comprendre le contexte dans lequel est intervenu cet assassinat. Kobili Traoré, avant de passer par le balcon pour aller chez Sarah Halimi, il passe d'abord chez des voisins qui partagent leur balcon. Voilà, adjacent. Exactement, avec celui de Sarah Halimi. Et donc, il arrive chez eux à 4h du matin. Bon, la famille le décrit comme extrêmement agité. La famille le craint. Elle s'enferme à clé dans une chambre. C'est tout. Il ne s'est pas attaqué à cette famille-là. Par contre, il est sorti par le balcon, il est arrivé par le balcon chez Sarah Halimi, il a ouvert la fenêtre qui était défectueuse, et c'est elle qui l'a tué. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un hasard qui s'en soit pris à elle? Et c'est là-dessus le grand point sensible de cette affaire. Bon, il se trouve que voilà, 11 mois plus tard, la juge a enfin reconnu qu'il s'en est pas pris à elle par hasard, que ça aurait pas pu tomber sur n'importe qui, comme lui l'a dit lors de son interrogatoire. C'était bien Sarah Halimi qui était visée. Qu'est-ce qui a fait basculer l'enquête? Parce que finalement, le Superfell, il provient de là. C'est-à-dire, bon, imaginons par exemple que la justice en reste à la première impression. C'est-à-dire, c'est pas un crime antisémite. Alors, ça semble très étonnant, mais après tout, on ne connaît pas le dossier. Et le fait qu'il y ait basculement un an après, là, ça interroge quand même. Oui, alors déjà, je rappelle que Sarah Halimi a été assassinée dans la nuit du 3 au 4 avril 2017. Nous étions en pleine campagne présidentielle. C'est un contexte politique extrêmement brûlant, extrêmement sensible. Le moindre événement peut se transformer en incendie médiatique. Donc il y a une excessive prudence. Il y a sans doute une crainte que Marine Le Pen, ou en tout cas le Front National, puisse arriver au pouvoir. C'est un moment où elle est très puissante dans les sondages. Je pense qu'il ne faut pas écarter cette Moi, je vous trouve tout à fait clémente, hein, parce qu'il n'y a probablement pas ce moment-là crainte excessive à ce sujet. En tout cas, on ne fait pas le lien entre la qualification d'antisémite pour ce crime et la venue au pouvoir de je ne sais qui, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison aussi que cela profite nécessairement à Marine Le Pen. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est qu'au début, personne n'en parle. Personne n'en parle parce que c'est extrêmement dérangeant. C'est extrêmement dérangeant parce qu'il y a tout dans cette histoire pour que ce soit un événement explosif. Et je pense que le contexte politique joue sur le fait qu'on a peur d'en parler. On a peur que ce soit instrumentalisé. Moi, je ne défends pas le fait qu'on n'en ait pas parlé. J'ai tout fait pour qu'on en parle. Mais j'essaie de comprendre. Sur France Culture, on en a parlé d'ailleurs parce qu'on a fait une question du jour une semaine après. Absolument, absolument. Mais il y a eu une résistance. Pendant 11 mois, il y a une résistance judiciaire. Et vous m'avez demandé à quel moment l'enquête a basculé. L'enquête a basculé donc quand la juge a réinterrogé une deuxième fois Kobili Traoré et qu'il explique que quand, dans sa phase de délire, quand il arrive chez Sarah Halimi, il découvre ce qu'il appelle une Torah, ce qui est en fait un chandelier, mais pour lui c'est l'objet juif par excellence, et que ça va décupler son angoisse, son agressivité, et que c'est là que Sarah Halimi va se réveiller dans sa chambre, elle va se lever en disant il y a du bruit dans le salon, et c'est là qu'il va commencer à la battre. Donc on voit que l'expert psychiatre a eu raison quand il parle de télescopage. Il y a eu un télescopage entre son délire où il pensait voir le diable et son antisémitisme où il a, pour lui, la juive a représenté le diable. C'est à ce moment-là que ça s'est joué. Et alors du coup, c'est ça qui influe sur l'opinion de la juge qui décide du coup de qualifier ce avec crime tous les étant... éléments, avec tous les éléments dont on a parlé. La question, c'est pas de savoir pourquoi 11 mois après c'est reconnu comme antisémite. La question, c'est de savoir pourquoi elle l'a pas fait dès le départ. C'était une évidence. Ce n'est que la reconnaissance d'une évidence. La presse, vous avez interrogé d'autres confrères, des journalistes, pour savoir pourquoi finalement on en a si peu parlé au début. Alors j'ai des témoignages dans mon livre de journalistes de l'AFP qui expliquent qu'ils en ont parlé, qu'ils ont essayé d'en parler, mais que ce n'était pas repris par les médias traditionnels. Ça n'a pas été repris. Il y a eu des petites brèves dans Le Parisien. On parlait d'une femme qui avait été jetée par la fenêtre. Mais vraiment, tous les détails morbides et idéologiques ont été volontairement ou non éclipsé. Il y a eu un article de Claude Askolovitch dans Slate qui parle de cette vieille femme qui a été tuée et qui panique la communauté juive. Je voudrais vraiment revenir là-dessus. Je crois que ça me tient à cœur. Dans la présentation de votre émission, on a entendu encore la communauté juive réclame. Et dans les articles du Monde, la communauté juive réclame. Dans l'extrait effectivement de reportage qu'on a diffusé. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a la communauté juive d'un côté et la justice de l'autre avec le reste de la France. Je rappelle que l'antisémitisme n'est pas une question de juifs, ça nous concerne tous, juifs ou non, on est une nation, on a des choses en commun et si on ne se défend pas les uns les autres, on va finir avec des tribus qui vont se monter les unes contre les autres, des communautés et quelque chose de tribal. Je pense que ce n'est pas le modèle républicain français. L'antisémitisme est une histoire de tous. Il n'y a pas la communauté juive qui réclame, ce terme m'énerve. On comprend très bien votre énervement, mais à l'époque, il y avait, sauf erreur de ma part, une manifestation à Belleville, une manifestation organisée par des juifs qui réclamaient la justice pour Sarah Halimi. La justice étant évidemment le fait de qualifier ce crime de crime antisémite selon eux. Je pense que de toute évidence, à minima, on pouvait se poser la question. Hein, donc je suis évidemment d'accord avec ça. Mais c'est peut-être cela qui fait évoquer le terme de communauté juive qui vous énerve. Oui, mais c'est un mal. Ça, c'est-à-dire qu'on peut déplorer qu'il n'y ait que des juifs qui se soient mobilisés autour de Sarah Halimi. Je pense qu'il faut le déplorer et il faut continuer à se battre pour que l'antisémitisme ne reste pas une affaire de juifs. Sinon, encore une fois, il va y avoir des communautés qui vont se monter les unes contre les autres. Ce n'est pas le modèle français. Il faut arrêter de dissocier toujours la communauté juive du reste de la France. Vous publiez donc l'affaire Sarah Halimi, Noémie Alioua, les réactions depuis que vous avez publié ce livre. Il paraît dans quelques jours. Je pense que j'ai fait un travail extrêmement honnête. Je pense que j'ai fait une enquête de terrain. Je me suis basée sur le dossier de police. J'ai été voir les voisins. J'ai essayé vraiment de tout dire sur cette histoire, qui est une petite histoire, mais qui dit beaucoup sur l'état de la France. Merci beaucoup Noémie Alioua. L'affaire Sarah Halimi, c'est publié aux éditions du Cerf. Superfell a été foiré à la préparation par Marie Aubert, piétiné à la réalisation par Milena Elig et complètement achevé à la technique par Jean Frédérix. Superfell.